Chapitre 24e, le télescope des montagnes rocheuses. Le 20 octobre de l'année précédente, après la souscription close, le président du Gun Club avait crédité l'observatoire de Cambridge des sommes nécessaires à la construction d'un vaste instrument d'optique. Cet appareil, lunette ou télescope, devait être assez puissant pour rendre visible à la surface de la Lune un objet ayant au plus 9 pieds de largeur. Il y a une différence importante entre la lunette et le télescope. Il est bon de la rappeler ici. La lunette se compose d'un tube qui porte à son extrémité supérieure une lentille convexe, appelée objectif, et à son extrémité inférieure une seconde lentille, nommée oculaire, à laquelle s'applique l'œil de l'observateur. Les rayons émanant de l'objet lumineux traversent la première lentille et vont par réfraction former une image renversée à son foyer. Cette image, on l'observe avec l'oculaire, qui la grossit exactement comme ferait une loupe. Le tube de la lunette est donc fermé à chaque extrémité par l'objectif et l'oculaire. Au contraire, le tube du télescope est ouvert à son extrémité supérieure. Les rayons partis de l'objet observé y pénètrent librement et vont frapper un miroir métallique concave, c'est-à-dire convergent. De là, ces rayons réfléchis rencontrent un petit miroir qu'ils renvoient à l'oculaire disposé de façon à grossir l'image produite. Ainsi, dans les lunettes, la réfraction joue le rôle principal et dans les télescopes, la réflexion. De là, le nom de réfracteur donné aux premières et celui de réflecteur attribué au second. Toute la difficulté d'exécution de ces appareils d'optique gît dans la confection des objectifs, qu'ils soient faits de lentilles ou de miroirs métalliques. Cependant, à l'époque où le Gun Club tenta sa grande expérience, ces instruments étaient singulièrement perfectionnés et donnaient des résultats magnifiques. Le temps était loin où Galilée observa les astres avec sa pauvre lunette, qui grossissait 7 fois ou plus. Depuis le XVIe siècle, les appareils d'optique s'élargirent et s'allongèrent dans des proportions considérables, et ils permirent de jauger les espaces stellaires à une profondeur inconnue jusqu'alors. Parmi les instruments réfracteurs fonctionnant à cette époque, on citait la lunette de l'observatoire de Poulkova en Russie, dont l'objectif mesure 15 pouces, soit 38 cm de largeur, la lunette de l'opticien français Lerebourg, pourvue d'un objectif égal au précédent, et enfin la lunette de l'observatoire de Cambridge, munie d'un objectif qui a 19 pouces de diamètre, soit 48 cm. Parmi les télescopes, on en connaissait deux d'une puissance remarquable et de dimensions gigantesques. Le premier, construit par Herschel, était long de 36 pieds et possédait un miroir large de 4 pieds et demi. Il permettait d'obtenir des grossissements de 6000 fois. Le second s'élevait en Irlande à Burr Castle, dans le parc de Parsonstown, et appartenait à Lord Rosse. La longueur de son tube était de 48 pieds, la largeur de son miroir de 6 pieds, soit 1,93 mètres. Il grossissait 6400 fois, et il avait fallu bâtir une immense construction en maçonnerie pour disposer les appareils nécessaires à la manœuvre de l'instrument qui pesait 28 000 livres. Mais, on le voit, malgré ces dimensions colossales, les grossissements obtenus ne dépassaient pas 6000 fois en nombre rond. Or, un grossissement de 6000 fois ne ramène la Lune qu'à 39 000, soit 16 lieues. Et il laisse seulement apercevoir les objets ayant 60 pieds de diamètre, à moins que ces objets ne soient très allongés. Or, dans l'espèce, il s'agissait d'un projectile large de 9 pieds et long de 15. Il fallait donc ramener la Lune à 5000, 2 lieues au moins, et pour cela, produire des grossissements de 48 000 fois. Telle était la question posée à l'observatoire de Cambridge. Il ne devait pas être arrêté par les difficultés financières. Restaient donc les difficultés matérielles. Et d'abord, il fallut opter entre les télescopes et les lunettes. Les lunettes présentent des avantages sur les télescopes. À égalité d'objectifs, elles permettent d'obtenir des grossissements plus considérables parce que les rayons lumineux qui traversent les lentilles perdent moins par l'absorption que par la réflexion sur le miroir métallique des télescopes. Mais l'épaisseur que l'on peut donner à une lentille est limitée, car trop épaisse, elle ne laisse plus passer les rayons lumineux. En outre, la construction de ces vastes lentilles est excessivement difficile et demande un temps considérable qui se mesure par année. Donc, bien que les images fussent mieux éclairées dans les lunettes, avantage inappréciable quand il s'agit d'observer la Lune, dont la lumière est simplement réfléchie, on se décida à employer le télescope, qui est d'une exécution plus prompte et permet d'obtenir de plus forts grossissements. Seulement, comme les rayons lumineux perdent une grande partie de leur intensité en traversant l'atmosphère, le Gun Club résolut d'établir l'instrument sur l'une des plus hautes montagnes de l'Union, ce qui diminuerait l'épaisseur des couches aériennes. Dans les télescopes, on l'a vu, l'oculaire, c'est-à-dire la loupe placée à l'œil de l'observateur, produit le grossissement, et l'objectif qui supporte les plus forts grossissements est celui dont le diamètre est le plus considérable et la distance focale plus grande. Pour grossir 48 000 fois, il fallait dépasser singulièrement en grandeur les objectifs d'Herschel et de Lord Rosse. Là était la difficulté, car la fonte de ces miroirs est une opération très délicate. Heureusement, quelques années auparavant, un savant de l'Institut de France, Léon Foucault, venait d'inventer un procédé qui rendait très facile et très prompt le polissage des objectifs, en remplaçant le miroir métallique par des miroirs argentés. Il suffisait de couler un morceau de verre de la grandeur voulue et de le métalliser ensuite avec un sel d'argent. Ce fut ce procédé, dont les résultats sont excellents, qui fut suivi pour la fabrication de l'objectif. De plus, on le disposa suivant la méthode imaginée par Herschel pour ses télescopes. Dans le grand appareil de l'astronome de Slow, l'image des objets, réfléchie par le miroir incliné au fond du tube, venait se former à son autre extrémité où se trouvait situé l'oculaire. Ainsi, l'observateur, au lieu d'être placé à la partie inférieure du tube, se hissait à sa partie supérieure, et là, muni de sa loupe, il plongeait dans l'énorme cylindre. Cette combinaison avait l'avantage de supprimer le petit miroir destiné à renvoyer l'image à l'oculaire. Celle-ci ne subissait plus qu'une réflexion au lieu de deux, donc il y avait un moins grand nombre de rayons lumineux éteints, donc l'image était moins affaiblie, donc enfin on obtenait plus de clarté, avantage précieux dans l'observation qui devait être faite. Ces résolutions prises, les travaux commencèrent. D'après les calculs du bureau de l'observatoire de Cambridge, le tube du nouveau réflecteur devait avoir 280 pieds de longueur et son miroir 16 pieds de diamètre. Quelque colossal que fût un pareil instrument, il n'était pas comparable à ce télescope long de 10 000 pieds, 3,5 km, que l'astronome Hooke proposait de construire il y a quelques années. Néanmoins, l'établissement d'un semblable appareil présentait de grandes difficultés. Quant à la question d'emplacement, elle fut promptement résolue. Il s'agissait de choisir une haute montagne, et les hautes montagnes ne sont pas nombreuses dans les États. En effet, le système orographique de ce grand pays se réduit à deux chaînes de moyenne hauteur, entre lesquelles coule ce magnifique Mississippi que les Américains appelleraient le roi des fleuves, s'ils admettaient une royauté quelconque. À l'est, ce sont les Appalaches, dont le plus haut sommet, dans le New Hampshire, ne dépasse pas 5600 pieds, ce qui est fort modeste. À l'ouest, au contraire, on rencontre les montagnes rocheuses, immenses chaînes, qui commencent au détroit de Magellan, suit la côte occidentale de l'Amérique du Sud, sous le nom d'Andes ou de Cordillère, franchit l'isthme de Panama et court à travers l'Amérique du Nord jusqu'au rivage de la mer polaire. Ces montagnes ne sont pas très élevées, et les Alpes ou l'Himalaya les regarderaient avec un suprême dédain du haut de leur grandeur. En effet, leur plus haut sommet n'a que 10 701 pieds, tandis que le Mont Blanc en mesure 14 439 et le Kinjinjinga 26 776 au-dessus du niveau de la mer. Mais puisque le Gun Club tenait à ce que le télescope, aussi bien que la Columbiade, fût établi dans les États de l'Union, il fallut se contenter des montagnes rocheuses et tout le matériel nécessaire fut dirigé sur le sommet de Long's Peak dans le territoire du Missouri. Dire les difficultés de tout genre que les ingénieurs américains eurent à vaincre, les prodiges d'audace et d'habileté qu'ils accomplirent, la plume ou la parole ne le pourraient pas. Ce fut un véritable tour de force. Il fallut monter des pierres énormes, de lourdes pièces forgées, des cornières d'un poids considérable, les vastes morceaux du cylindre, l'objectif pesant lui seul près de 30 000 livres, au-dessus de la limite des neiges perpétuelles à plus de 10 000 pieds de hauteur, après avoir franchi des prairies désertes, des forêts impénétrables, des rapides effrayants, loin des centres de population, au milieu de régions sauvages, dans lesquelles chaque détail de l'existence donnait un problème presque insoluble. Et néanmoins, ces 1000 obstacles,